Ma mère m'a toujours dit de pas m'en faire. Que viendront tes jours de gloire, tes années de réussite? Encore une autre journée de travail. Réfléchir à me demander si je bosserai là toute l'année. Encore me dire cette vérité, si ce que je veux vivre me rejoindra. Comment je peux me plaire? Je suis jamais content de tout ce qui peut m'arriver. Comment je peux me plaire? Je suis jamais content de tout ce qui peut m'arriver. Mon père m'a toujours dit de pas m'en faire. Quand seront tes durs labeurs? Pense tout fort au Seigneur, à celui que t'auras choisi pour te rappeler l'amour, pour te rappeler l'amour. Comment je peux me plaire? Je suis jamais content de tout ce qui peut m'arriver. Comment je peux me plaire? Je suis jamais content de tout ce qui peut m'arriver. Quand t'es sur le bord de trouver le bon chemin, y'a toujours quelqu'un pour te ralentir. Les gens décourageants, y'en aura tout le temps, qui voudront détruire ton regard sur l'avenir. Quand ces gens-là t'empêcheront d'avancer, en vous les promener, n'oublie pas de rêver. Et plus tu avanceras dans ta route destinée, plus tu comprendras ce que t'es fort en toi. Plus tu comprendras ce que t'es fort en toi. Comment je peux me plaire? Je suis jamais content de tout ce qui peut m'arriver. Comment je peux me plaire? Je suis jamais content de tout ce qui peut m'arriver. Ma mère m'a toujours dit de pas m'en faire. Quand seront tes jours de gloire, pense à ce que t'as vécu. N'oublie surtout pas de remercier ce que le bon Dieu a fait pour toi. Ce que le bon Dieu a fait pour toi. Ce que le bon Dieu a fait pour toi.